T'as déjà rencontré des gens qui ont rempli cette espèce de gouffre qu'on a tous en nous, et quand ils partent, tu t'aperçois qu'ils ont laissé cet espace dramatiquement vide. T'as dit quoi là? C'est juste que, je te promets, t'as parlé comme un poète, c'était trop horrible. Ah, conneries. Atlas est belle, mais pas à sa place. Elle est dans la gorge d'un chat avec les naufragés. Attaché case, Atlas est classe. Elle a appris la force, oublié le mot fragile. Perdu la magie dès que son père fila. Celle dans le brasier de l'amour en perfusion. Prêt pour la guerre s'il y a un sentiment vert fluoré. Nos corps se sont croisés, ils ont voulu faire fusion. Premiers essais sans échec, puis on cessait de se serrer. On se détestait, on baisait pour le froid de l'hiver. On baisait sans s'aimer, puis on s'aimait sans baiser. On se testait, contestait les lois de l'univers. Atlas rêvait de l'amour, mais pas du grand A. Des histoires de C dans des histoires de cul. Samedi soir de plus, elle s'est mise à pleurer quand s'est mis à pleuvoir, juste quand elle allait s'asseoir dans le bus. Atlas ne parle pas de son passé. Chaque chose est cassée, donc chaque chose est classée. Pas de faute, laisse passer son heure. Elle a laissé son cœur dans sa garde-robe écrasée. Pour rêver de s'envoler, on s'est construit des ailes. On vise le ciel et carconné, on s'est construit des chaînes. Seul, je laissais faire le vide, je vois le démon qui se déchaîne. Sous son emprise, avec ma hantise en guise d'échelle. Je lui fais la course, je cours après, mais sur la durée, je saigne. Je coupe plus les cours ratés, je fais plus la course découragée. Et le jour où elle m'a dit je t'aime, j'ai répondu je sais. Je sais. Ouais, suis-moi, je te fuis, ouais, fuis-moi, je te suis. Je prends le virage de suite, devant son visage, j'hésite. Toi, ouais, mais suis-moi, je te fuis, ouais, mais fuis-moi, je serre, j'ai les images de suite. Elle veut croire que la mer, tu mets des faux. Elle veut voir la mer, tu es ses fêtes. Veut boire et faire, tu mets ses potes. Le poids de la terre sur ses épaules. Elle veut voir la mer, tu es ses fautes. Veut boire et faire, fumer ses potes. Le poids de la terre sur ses épaules. C'est elle qui gère son vice, c'est elle qui ramène la maille. Ton humeur imprimée, elle rappelle jamais. Elle est bien seule, elle t'a tout fait sa voix. Font elle, j'entends le cri de détresse et tout fait sa voix. Seulement capable de saigner, mais le sexe est horrible. Des jours restés au lit, je vais pas te renseigner, mais en fait c'est horrible. Amoureux mais nullement capable de s'aimer. Avec ma patience elle joue, j'ai oublié quand elle pleure, je me rappelle quand elle jouit. Je voulais pas te voir ses jours, tu voulais pas de moi ses nuits. J'ai aux larmes à ses jours quand elle parle à mon fils. L'amour du 3 mois, loi universelle. Je veux l'amener, je fais comment, je tape son anniversaire. Oh ouais, j'aime quand elle gueule, mais je préfère quand je suis seul. Je tape les flots, ouais, sans manière, je sers. Rien n'est permis dans ce qu'on se permettait. Tout s'éternit depuis le dernier été. Ouais, là, on se permet, c'est rien. Je te montre te sans respect. J'ai rien tenté pour te faire rester. Face faudrait qu'on le sente, j'arrête, je me fous qu'elle consente. Comme d'hab, j'entrerai tout seul en bousiller la conscience. Moi j'ai perdu ma boussole, moi je fais plus rien dans le bon sens. Veux boire et faire fumer ses potes. Le poids de la terre sur ses épaules. Veux voir la mer tuer ses fautes. Veux boire et faire fumer ses potes. Le poids de la terre sur ses épaules. Atlas, Atlas, Atlas. Tu connais l'histoire du Phasianidae? C'est un oiseau qui vit toutes les phases de l'existence en un instant. Et lorsque cet oiseau rencontre l'amour de sa vie, il est à la fois heureux et triste. Heureux parce qu'il voit l'autre tomber amoureux. Et triste parce qu'il sait que c'est déjà fini.